Dossier 3, livre page 32. Mini-dialogue 1. Nada. Quelle heure est-il? Maha. Il est 10h10. Mini-dialogue 2. Sonia. À quelle heure tu vas au cinéma? Neila. À 7h. Mini-dialogue 3. Fadi. Tu fais quand tes devoirs? Nabil. À 4h15.